Rapport fait à son Excellence le ministre de l'Intérieur sur les nouveaux développements et l'état actuel du sauvage de l'Aveyron. 1806. À son Excellence le ministre de l'Intérieur. Monseigneur, vous parlez du sauvage de l'Aveyron, c'est reproduire un nom qui n'inspire plus maintenant aucune espèce d'intérêt. C'est rappeler un être oublié par ceux qui n'ont fait que le voir et dédaigné par ceux qui ont que le juger. Pour moi, qui me suis borné jusqu'à présent à l'observer et à lui prodiguer mes soins, fort indifférent à l'oubli des uns et au dédain des autres, étayé sur 5 années d'observation journalière, je viens faire à votre Excellence le rapport qu'elle attend de moi, lui raconter ce que j'ai vu et ce que j'ai fait, exposer l'état actuel de ce jeune homme, les voies longues et difficiles par lesquelles il y a été conduit et les obstacles qu'il a franchis comme ceux qu'il n'a pu surmonter. Si tous ces détails, Monseigneur, vous paraissent peu dignes de votre attention et bien au-dessus de l'idée avantageuse que vous en aviez conçue, votre Excellence voudrait bien, pour mon excuse, être intimement persuadé que, sans l'ordre formel que j'ai reçu d'elle, j'eusse enveloppé d'un profond silence et condamné à un éternel oubli des travaux dont le résultat offre bien moins l'histoire des progrès de l'élève que celle des non-succès de l'instituteur. Mais en me jugeant aussi moi-même avec impartialité, je crois néanmoins qu'abstraction faite du but auquel je visais dans la tâche que je me suis volontairement imposée, et considérant cette entreprise sous un point de vue plus général, vous ne verrez pas sans quelque satisfaction, Monseigneur, dans les diverses expériences que j'ai tentées, dans les nombreuses observations que j'ai recueillies, une collection de faits propres à éclairer l'histoire de la philosophie médicale, l'étude de l'homme incivilisé et la direction de certaines éducations privées. Pour apprécier l'état actuel du jeune sauvage de l'Aveyron, il serait nécessaire de rappeler son état passé. Ce jeune homme, pour être jugé sainement, ne doit être comparé qu'à lui-même. Rapproché d'un adolescent du même âge, il n'est plus qu'un être disgracié, rebut de la nature comme il le fut de la société. Mais si l'on se borne aux deux termes de comparaison qu'offre l'état passé et l'état présent du jeune Victor, on est étonné de l'espace immense qui les sépare. Et l'on peut mettre en question si Victor ne diffère pas plus du sauvage de l'Aveyron arrivant à Paris qu'il ne diffère des autres individus de son âge et de son espèce. Je ne vous retracerai pas, Monseigneur, le tableau hideux de cet homme animal tel qu'il était au sortir de ses forêts. Dans un opuscule que j'ai fait imprimer il y a quelques années et dont j'ai l'honneur de vous offrir un exemplaire, j'ai dépeint cet être extraordinaire d'après les traits mêmes que je puisais dans un rapport fait par un médecin célèbre à cette société savante. Je rappellerai seulement ici que la commission dont ce médecin fut le rapporteur, après un long examen et des tentatives nombreuses, ne put parvenir à fixer un moment l'attention de cet enfant et chercha en vain à démêler, dans ses actions et ses déterminations, quelque acte d'intelligence ou quelque témoignage de sensibilité. Étranger à cette opération réfléchie qui est la première source de nos idées, il ne donnait de l'attention à aucun objet, parce qu'aucun objet ne faisait sur ses sens nulle impression durable. Ses yeux voyaient et ne regardaient point. Ses oreilles entendaient et n'écoutait jamais, et l'organe du toucher, restreint à l'opération mécanique de l'appréhension des corps, n'avait jamais été employé à en constater les formes et l'existence. Tel était enfin l'état des facultés physiques et morales de cet enfant, qu'il se trouvait placé non seulement au dernier rang de son espèce, mais encore au dernier échelon des animaux, et qu'on peut dire, en quelque sorte, qu'il ne différait d'une plante qu'en ce qu'il avait de plus qu'elle, la faculté de se mouvoir et de crier. Entre cette existence moins qu'animale et l'état actuel du jeune Victor, il y a une différence prodigieuse, et qui paraîtrait bien plus tranchée si, supprimant tout intermédiaire, je me bornais à rapprocher vivement les deux termes de la comparaison. Mais persuadé qu'il s'agit bien moins de faire contraster ce tableau que de le rendre et fidèle et complet, j'apporterai tous mes soins à exposer succinctement les changements survenus dans l'état du jeune sauvage, et pour mettre plus d'ordre et d'intérêt dans l'énumération des faits, je les rapporterai en 3 séries distinctes relatives au triple développement des fonctions des sens, des fonctions intellectuelles et des facultés affectives.